Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec un guest non des moindres, mesdames et messieurs. Voilà, donc la personne qui a prêté sa voix au Guignol, à Groland, à On n'est pas couché avec Laurent Ruquier, qui prépare un nouveau spectacle. Mesdames et messieurs, Sandrine Alexis. Non, c'est pas Alexis, c'est Jane. Alors, je vais te le raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour que j'étais au début de mon carrière avec Serge, je l'avais rencontré qu'il était dans les discothèques, il marchait très très mal et il dansait très mal, c'était drôle. Et au alors à un moment donné, il me dit, je vais te présenter les deux amis que je les connaissais. Et j'ai dit oui. Et de là, il se mène vers un groupe de gens que je ne les connaissais pas. Il me dit, tu vois, Jane, tu vois, dans le métier, ce qui est important, c'est de les faire de le monde. Alors, je dis oui. Et à ce moment-là, au même temps, qui je vois arriver? Je vois arriver une énorme troupe qui nous tombe dessus. Et tout est tombé sur moi. Et c'est tout est tombé écrasé dans mon gorge, parce que moi, je l'ai chanté comme Céline Dion à mes débuts. Et il est tout tombé sur le buste et sur le gorge. Et c'est créé mon style, finalement. Et c'est une anecdote galère qui s'est transformée dans les positifs. Tu comprends-tu? À peu près. Merci beaucoup Sandrine Alexis, on vous retrouve bientôt avec votre spectacle. Vous avez déjà le titre? Non, j'ai pas le titre, j'ai l'idée mais j'ai pas le titre. Donc vous le saurez en temps et en heure. C'est comme ça, c'est tout. N'insistez pas. Voilà. Aucun problème. Merci beaucoup et puis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.